Puis un brouillard cacha le soleil. Le boulet et la bombe faisaient un bruit épouvantable. Berthier, prince d'Empire et vice-connétable, chargea sur notre droite un corps hanovrien avec 30 escadrons. Et l'on ne vit plus rien qu'une brume sans fond, de bombes étoilées. Tant toute la bataille et toute la mêlée avaient dans le brouillard tragique disparu. Un nuage tombé par terre, horrible, accru, par des vomissements immenses de fumée, enfin, c'est là-dessous qu'étaient les deux armées. La neige en cette nuit flottait comme un duvet, et l'on s'exterminait, ma foi, comme on pouvait. On faisait de son mieux. Pensif, dans les décombres, je voyais mes soldats rôder comme des ombres, spectres le long du mur, rangés en espalier. Et ce chant me faisait un effet singulier. Des cadavres dessous, et dessus, des fantômes. Quelques hameaux flambaient. Au loin, brûlaient des chaumes. Puis la brume, où du hart on entendait le corps, trouva moyen de croître et d'épaissir encore, et nous ne vîmes plus que notre cimetière. À midi, nous avions notre mur pour frontière. Comme par une mer noire, dans de la nuit, nous nous sentîmes prendre, et tout s'évanouit. Notre église semblait un rocher dans l'écume. La mitraille voyait fort clair dans cette brume, nous tenait compagnie, écrasait le chevet de l'église et la croix de pierre, et nous prouvait que nous n'étions pas seuls dans cette plaine obscure. Nous avions faim, mais pas de soupe. On se procure avec peine à manger dans un tel lieu. Voilà que la grêle de feu tout à coup redoubla. La mitraille, c'est fort gênant, c'est de la pluie. Seulement, ce qui tombe et ce qui vous ennuie, ce sont des grains de flamme et non des gouttes d'eau. Des gens, à qui l'on met sur les yeux un bandeau, c'était nous. Tout croulait sous les obus, le cloître, l'église et le clocher, et je voyais décroître les ombres que j'avais autour de moi, debout. Une de temps en temps tombait. « On meurt beaucoup, » dit un sergent, pensif comme un loup dans un piège. Puis il reprit, montrant les fosses sous la neige. « Pourquoi nous donne-t-on ce champ déjà meublé ?»